Dossier 8. Leçon 1. Au marché. Activité 8. Vous désirez ? Je voudrais des pommes, s'il vous plaît. Combien en voulez-vous ? J'en prends 1 kilo. Et avec ça ? Donnez-moi 2 avocats bien mûrs, s'il vous plaît. Je n'en ai plus du tout. Oh, bon. Alors, je prendrai 1 belle botte de radis. Vous désirez autre chose ? Donnez-moi aussi 1 kilo de tomates et 2 kilos de pommes de terre. Ce sera tout ? Oui. Je vous dois combien ? Ça fait...